Ami humain, bonjour. Voici une petite mise à jour de la pensée d'Albert Camus. En ces temps où l'humain a tendance à devenir une valeur plutôt relative, cinquième partie. Révolte, hypocrisie, solidarité. Camus ramène la révolte à sa manifestation la plus élémentaire, ce « non ». Soudain qui entend établir une limite infranchissable puisqu'il affirme l'existence d'une frontière, quelque chose devient intolérable. Non pas en soi, par une qualité particulière, mais parce qu'un geste la révolte le définit comme non toléré. Au nom de quoi? Non pas d'une nature qui aurait été violée, le comportement contre lequel on se révolte est lui aussi une manifestation de la nature humaine, mais de ce dont on décide que c'est humainement intolérable. Derrière ce simple, ça suffit. Se dessine en réalité un idéal positif de l'humanité. Une réalité humaine qui ne peut être déduite de la réalité mais doit être projetée par la révolte, qui doit lui être implicite qu'on en soit ou non conscient. Aucune révolte n'existe qui ne comporte pas ce devoir être implicite de l'humanité, cette norme d'humanité. Le simple « non » est déjà l'expression d'un « oui » articulé. Ce qui signifie que la révolte ne peut être un simple renversement hiérarchique. Si elle dit « non » à un comportement, cela vaut pour tous. Car la révolte définit un territoire de comportement révoltant qui demeure tel, même si le souverain et le sujet, le maître et l'esclave, la liberté et la sujétion renversent leur rôle. La révolte et le ressentiment sont incompatibles entre eux. Mais la révolte est surtout révolte contre l'hypocrisie. Elle vit en effet d'un paradoxe, elle ne devient possible que là où elle est déjà présente en tant que valeur, bien que sous forme d'ultime recours, dans des sociétés où s'affirment, ou plutôt, où émergent de manière contradictoire, des valeurs qui définissent l'individu comme porteur d'une dignité humaine inviolable. Là où, au contraire, le singulier est perçu, et se perçoit, comme simple moment d'un ordre supérieur déjà donné, quelle que soit la démesure du pouvoir, si elle est cohérente avec cet ordre, elle ne pourra pas même être perçue comme une humiliation ni comme une négation de la dignité. Elle sera plutôt vécue comme quelque chose de naturel, un destin qui enracine chacun dans la position qui lui est due. Uniquixum, à chacun ce qui lui est dû, c'est l'inévitable tautologie du théologique, contre laquelle il est impensable, vain, blasphématoire de s'insurger. Voilà pourquoi, le problème de la révolte semble ne prendre de sens précis qu'à l'intérieur de la pensée occidentale, et se répand quand, une égalité théorique recouvre de grandes inégalités de fait. La révolte est forcément collective. Même un geste isolé et exemplaire a vocation à communiquer, à susciter quelque chose. Une révolte radicalement individuelle serait aussi radicalement silencieuse. Imperceptible. Même le scandale le plus extrême a besoin du consentement de quelques disciples. Sinon, on ne s'en apercevra même pas. La révolte établit en outre un territoire de dignité inviolable pour tous. L'esclave qui devient maître en rendant son maître esclave ne produit pas de révolte, comme nous l'avons vu, il crée du ressentiment. La fraternité est déjà l'un des contenus de la révolte. Mais contrairement à ce que dit Sartre dans la critique de la raison dialectique, la fraternité, l'union de ceux qui se révoltent n'est pas gouvernée chez Camus par un « dehors » qui serait l'ennemi à renverser, mais par un « dedans » que sont des valeurs communes et foulées aux pieds. les mots d'une société humiliée et offensée par les faits du pouvoir. La révolte est l'action qui s'élève contre l'écart entre les mots et les faits, cet écart qui parcourt et constitue l'Occident. Il ne s'agit donc pas d'une fraternité contre, risquant toujours de retomber dans le sériel dès que l'ennemi qui a uni sera renversé, mais d'une fraternité pour, fondée de manière autonome sur des valeurs choisies et non instrumentales. La révolte est aussi, bien sûr, un contre. Mais elle réside surtout dans l'action humaine qui décide de ce qu'est le pour, auquel on ne peut renoncer, qui constitue la valeur, c'est-à-dire la volonté, de l'homme. Et si une révolution peut demeurer une révolte, la révolution sera le plus souvent une révolte trahie. Les prémices de la révolte manquent donc si l'on reconnaît l'indiscutable existence d'un ordonnancement de la société, qui reflèterait celui de la nature ou du cosmos, par exemple, où il n'y a pas d'espace pour la question, car la réponse l'occupe totalement, où le seul sens est la domination opaque et unilatérale de l'habitude / consentement. Pour que la révolte existe, il faut en effet que l'on puisse poser la question de la justice. Mais l'horizon du sacré neutralise cette question. Le sacré, c'est de la théologie, mais aussi et surtout de la théodicée. Le sacré n'est pas simplement le refoulement de l'absurde pour se consoler de la finitude, il prévient également la révolte en tant que projet de création d'un ordre fondé sur des valeurs choisies plutôt que subies. Fin de la cinquième partie. C'était une sélection Radio Parasite. À bientôt et grosse bise numérique.